Chapitre 5. Les conséquences d'un désastre. Coup sur coup, deuil sur deuil, ah, l'épreuve redouble. Victor Hugo, l'année terrible. On a bien raison de dire qu'un malheur ne vient jamais seul. Ce fut la Crique qui, plus tard, formula cet aphorisme dont il n'était pas l'auteur. Quand le braque, sacrant et vociférant contre ses peines-culs de Vellerand, arriva, cheveux, chemise et le reste au vent à la boucle du chemin de la Saute, ce ne fut pas les compains qu'il trouva pour le recevoir, mais bien le père Zéphirin, vieux soldat d'Afrique qu'on appelait plus communément Bédouin, et qui remplissait dans la commune les modestes fonctions de garde champêtre, ce qui se voyait d'ailleurs à sa plaque jaune bien astiquée, luisant parmi les plis de sa blouse bleue toujours propre. De bonne heure pour le grand Lebrac, Bédouin, représentant de la force publique à Longeverne, était un peu sourd et n'y voyait plus très bien. Il avait, revenant de sa tournée quotidienne ou presque, été arrêté par les hurlements et les cris de guerre de Lebrac, se débattant aux mains des Vellerans. Comme il se trouvait, par hasard, qu'il avait déjà été victime de farces et plaisanteries de la part de certains galapias du village, il ne douta mis que les invectives virulentes de celui-là, fuyant, autant dire à poil, ne fussent à son adresse. Il en douta de moins en moins quand il distingua, entre autres, les syllabes de cochon et de salaud, qui, dans sa pensée droite et logique, ne pouvaient indubitablement s'appliquer qu'à un représentant de la Loa. Résolu, le devoir avant tout, à punir cet insolent qui a tenté du même coup aux bonnes mœurs et à sa dignité de magistrat, il s'élança à sa poursuite pour le rattraper, ou tout au moins le reconnaître, et lui faire donner par qui de droit la fessée qu'il jugeait méritée. Mais Lebrac vit Bédouin lui aussi, et reconnaissant des intentions hostiles au polisson qu'il poussa, il biaisa vivement à gauche vers le haut du communal et disparut dans les buissons pendant que l'autre, brandissant son bâton, criait toujours de toute sa gorge « Petit saligaud, que je t'attrape un peu !» Caché dans le gros buisson, ahuri de cette apparition inattendue, les Longevernes suivaient la poursuite de Bédouin avec les yeux ronds comme des prunelles de chouette. « C'est lui, c'est bien lui !» fit la Crique parlant de son chef. Il leur y a encore joué un tour, remarqua Tintin. Quel bougre tout de même! Et l'inflexion de sa voix disait toute l'admiration qu'il professait pour son général. Ce vieux. Va-t-il nous emmerder longtemps? Reprit Camus, frottant de ses paumes sèches et calleuses ses douloureuses meurtrissures. Et il songeait déjà à déléguer Tintin ou la Crique pour attirer Bédouin hors des lieux où devait se cacher le braque, en poussant à l'adresse du garde quelques séries d'épithètes colorées et fortes, telles vieille tourte, amphifrée, sodomis, vérolard d'Afrique et autres qu'ils avaient retenues au passage de certaines conversations entre les anciens du village. Il n'en fut pas réduit à cet expédient, car le vieux briscard redescendit bientôt le chemin, jurant contre ses garnements à qui il tirerait les oreilles et qu'il foutrait bien, un jour ou l'autre, à l'ousteau communal pour tenir compagnie, durant une heure ou deux, au rat de la fromagerie. Immédiatement Camus imita le tiroui de la perdrix grise, signal de ralliement de Longeverne, et à la réponse qui lui vint, signala par trois nouveaux cris consécutifs, à son féal aux abois, que tout danger était momentanément écarté. Bientôt, derrière les buissons, on aperçut, s'approchant en effet, la silhouette indécise d'abord et blanche de Lebrac, son petit baluchon à la main, puis se distinguèrent les traits de sa face contractée de colère. « Ben, mon vieux, ben, ma vieille !» Ce fut tout ce que put dire Camus, qui, les larmes aux yeux et les dents serrées, brandit un poing menaçant dans la direction de Vellerand. Et le braque fut entouré. Toutes les ficelles et toutes les épingles de la bande furent réquisitionnées afin de lui refaire une tenue tant qu'à peu près présentable pour rentrer au village. À un soulier, on mit de la ficelle de fouet, à l'autre de la ficelle de pain de sucre prise à une garde d'épée. Des morceaux de tresse serrèrent les bas aux jarrets. On trouva une épingle de nourrice pour rejoindre et maintenir les deux ouvertures du pantalon. Camus même, ivre de sacrifice, voulait défaire sa fronde à l'astique pour en fabriquer une ceinture à son chef, mais l'autre noblement s'y opposa. Quelques épines bouchèrent les plus gros trous. La blouse, ma foi, pendait bien un peu en arrière. La chemise irrémédiablement bâillait à la cotisse, et la manche déchirée dont manquait le morceau était un irrécusable témoin de la lutte terrible qu'avait soutenue le guerrier. Quand il fut tant bien que mal regopé, jetant sur son accoutrement un coup d'œil mélancolique et évaluant en lui-même la quantité de coups de pied au cul que lui vaudrait cette tenue, il résuma ses appréhensions en une phrase lapidaire qui fit frémir jusqu'au cœur toutes les fibres de ses soldats. « Bon Dieu, ce que je vais être cerisée en rentrant ?» Un silence morne accueillit cette prévision. Le groupe, évidemment, ne voyait pas d'objection à faire, et dans la nuit qui tombait, ce fut la saboté lamentable et silencieuse vers le village. Que différente fut cette rentrée de celle du lundi. La nuit morne et pesante alourdissait leur tristesse. Pas une étoile ne se levait dans les nuages, qui tout à coup avaient envahi le ciel. Les murs gris qui bordaient le chemin avaient l'air d'escorter en silence leur désastre. Les branches des buissons pendaient en saules pleureurs. Et eux marchaient, traînaient les pieds comme si leurs semelles eussent été apesanties de toute la détresse humaine et de toute la mélancolie de l'automne. Pas un ne parlait pour ne point aggraver les préoccupations douloureuses du chef vaincu. Et pour augmenter encore leur peine, leur parvenait dans le vent du sud-ouest le chant de victoire des vèlerans glorieux qui rentraient dans leur foyer. « Je suis chrétien. Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. » Car on n'était qu'à Lautin à Vélran et rouge à Longeverne. Au gros tilleul, on s'arrêta comme de coutume, et le braque rompit le silence. « On se retrouvera demain matin, près du lavoir, au second coup de la messe. » fit-il d'une voix qu'il voulait rendre ferme, mais où perçait tout de même, dans une sorte de chevrotement, l'angoisse d'un avenir trouble, très incertain, ou plutôt... trop certain. Oui, répondit-on simplement, et Camus le lapidé vint lui serrer les mains en silence, pendant que la petite troupe, très vite, s'égrenait par les sentiers et les chemins qui conduisaient chacun à son domicile respectif. Quand le braque arriva à la maison de son père, près de la fontaine du Haut, il vit la lampe à pétrole allumée dans la chambre du poêle, et par un entrebâillement de rideaux, il remarqua que sa famille était déjà en train de souper. Il en frémit. Cette constatation coupait net ses dernières chances de ne pas être vu en la tenue plutôt débraillée dans laquelle il se trouvait par le plus fatal des destins. Mais il réfléchit que, un peu plus tôt ou un peu plus tard, il fallait tout de même y passer, et résolu à tout recevoir, stoïquement, il leva le loquet de la cuisine, traversa la pièce et poussa la porte du poêle. Le père de Lebraque tenait d'autant plus à l'estruction qu'il en était lui-même et totalement dépourvu. Aussi exigeait-il de son rejeton, dès que revenait la saison d'écolage, une application à l'étude qui, vraiment, ne se trouvait pas être en raison directe des aptitudes intellectuelles de l'élève Lebraque. Il venait de temps à autre conférer de ce sujet avec le père Simon et lui recommandait avec insistance de ne pas manquer son garnement et de le tanner chaque fois qu'il le jugerait bon. Ce ne serait certes pas lui qui le soutiendrait comme certains parents nouillottes qui savent pas y faire pour le bien de leurs enfants. Et quand le gars aurait été puni en classe, lui, le père, redoublerait la dose à la maison. Comme on le voit, le père de Lebraque avait en pédagogie des idées bien arrêtées et des principes très nets, et il les appliquait, sinon avec succès, du moins avec conviction. Il avait justement, en abreuvant les bêtes, passé ce soir-là près du maître d'école qui fumait sa pipe sous les arcades de la maison commune, près de la fontaine du milieu, et il s'était enquis de la façon dont son fils se comportait. Il avait naturellement appris que Lebraque jeune était resté en retenue jusqu'à 4h30, heure à laquelle il avait, sans broncher, récité la leçon qu'il n'avait pas su le matin, ce qui prouvait bien que quand il voulait, n'est-ce pas ? « Le rossard !» s'était exclamé le père. « Savez-vous bien qu'il n'emporte jamais un livre à la maison ? Foutez-lui donc des devoirs, des lignes, des verbes, ce que vous voudrez. Mais n'ayez crainte, je vais le soigner ce soir, moi. » C'était dans cette même disposition d'esprit qu'il se trouvait, quand son fils franchit le seuil de la chambre. Chacun était à sa place et avait déjà mangé sa soupe. Le père, sa casquette sur la tête, le couteau à la main, s'apprêtait à disposer sur un ados de choux les tranches de lard fumé coupées en morceaux plus ou moins gros suivant la taille et l'estomac de leur destinataire, quand la porte grinça et que son fils apparut. « Ah, te voilà tout de même » fit-il d'un petit air mi-sec, mi-narquois qui n'annonçait rien de bon. Le braque jugea prudent de ne pas répondre et gagna sa place au bas de la table, ignorant d'ailleurs tout des intentions paternelles. « Mange ta soupe !» grogna la mère. « Elle est déjà toute refroidiette. »« Et boutonne donc ton blouson !» fit le père. « Tu m'as l'air d'un marchand de cab. » Le braque ramena d'un geste aussi énergique qu'inutile sa blouse qui pendait dans son dos, mais n'agrafa rien. Et pour cause. « Je te dis d'agrafer ta blouse !» répéta le père. « Et d'abord d'où viens-tu comme ça ?» Tu sors pas de classe peut-être à ces heures-ci. J'ai perdu mon crochet de blouson, marmotta le braque, évitant une réponse directe. Là, moi, mon doux Jésus, s'exclama la mère. Quel gouillant que ces cochons-là! Ça casse tout, ils déchirent tout, ils ravalent tout. Qu'est-ce qu'on veut devenir avec eux? Et tes manches? Interrompit de nouveau le père. T'as perdu aussi les boutons? Oui, avoua Lebrac. Après cette nouvelle découverte, qui, avec la rentrée tardive, décelait une situation particulière et anormale, un examen détaillé s'imposait. Lebrac se sentit devenir rouge jusqu'à la racine des cheveux. Merde, ça allait rien barder. Viens voir un peu ici au milieu. Et le père ayant levé l'abat-jour de la lampe, sous les quatre paires d'yeux inquisiteurs de la famille, Lebrac apparut dans toute l'étendue de son désastre, aggravé encore par les réparations hâtives que des mains enthousiastes et bienveillantes, certes, mais trop malhabiles, avaient achevées au lieu de le tempérer. « Ben nom de Dieu! Ah, salaud! Ah, cochon! Vaurien, rossard !» grognait le père après chaque découverte. « Pas un bouton à son tricot ni à sa chemise, des épines pour fermer sa braguette, une épingle de sûreté pour tenir son pantalon, des ficelles à ses souliers. « Mais d'où sors-tu donc, nom de Dieu de saligo ?» gronda le braque père, doutant que lui, calme citoyen, eût pu procréer un garnement pareil, tandis que la mère se lamentait sur le travail continuel que ce polisson, ce bouffre de gredin de cochon d'enfant lui donnait quotidiennement. « Et tu t'imagines que ça va durer longtemps comme ça, peut-être ?» reprit le père. « Que je vais dépenser des sous à élever et à nourrir un salopiot comme toi, qui ne fout rien, ni à la maison, ni en classe, ni ailleurs, même que j'en ai parlé soir à ton maître d'école ?» « Ah, je t'en foutrai, bandit. Je vas te faire voir que les maisons de correction, elles sont pas faites pour les chiens. Ah, rosse !»« D'abord, tu vas te passer de souper. Mais vas-tu me répondre, nom de Dieu ? Où t'es-tu arrangé comme ça ?»« Ah, tu veux rien dire, crapule ? Eh oui, vraiment. Eh ben, attends un peu, nom de Dieu. Je veux bien te faire causer, moi. » Et saisissant dans le fagot entamé près de la cheminée un rein de coudre souple et dur, arrachant la chemise, jetant bas la culotte, le père de Lebrac administra à son rejeton, qui se roulait, se tordait, écumait, râlait et hurlait, hurlait à faire trembler les vitres, une de ces raclées qui comptent dans la vie d'un môme. Puis, sa justice ayant passé, il ajouta d'un ton sec et qui n'admettait pas de réplique. « Et file te coucher maintenant, et vivement, hein, nom de Dieu, et que j'entende quelque chose !» Sur la paillasse de Turquie et son matelas de paillettes, Lebrac s'étendit là intensément, les membres brisés, le derrière en sang, la tête bouillonnante. Il se retourna longtemps, médita longuement, et s'endormit sur son désastre.